cerveau est allumé. Ce bâtard voulait t'allumer comme un calumet. Équilibré, bien calibré, mais qui dit vrai, il vient de se rappeler que ça avait pas tiré. Pas s'initier, allumé par une bouteille de vodka, attisé par deux trois mégas. Il va trouver, il va trouer gars, comme cette canette de coca, sniffer de coca. Le contrat a été signé, ton arrêt de mort est signé. On a le pouvoir sur ta destinée, c'est inné, inévitable, comme la trajectoire définitive d'une balle. Ce que tu as fait est mal, tu savais bien. Ce que tu as fait est mal, tu savais bien. Fuis et tu te caches, ne regrette rien. Fuis et tu te caches, ne regrette rien. Peur des représailles, tu t'enfourailles, tu deviens fou allié. T'as de quoi des fous railler tout un arsenal. Vainqueur, est-ce que tu crois que tu t'en sortiras? Tout le monde te cherche, les poteaux sont tombés de haut, ils ont pas vu la perche. Sans parler de ceux qui te cherchent, qui veulent ta tête, et les inspects sont sur l'affaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Faut pas que t'oublies que t'as laissé ta mère et ton frère dans la merde, il faut régler l'affaire. Bien accueilli à l'arrivée, ce qui devait arriver est arrivé. Les choses se gâtent, même les balles perdues te traquent. Au milieu d'un coup de feu, un être cher à terre, s'il perd la vie, tu perds de ta chair. Tu fais moins le fier qu'hier. Et par malheur, demain, s'il faut, rivière retrouvera ton corps dans une rivière. Aujourd'hui, il n'est plus question de civière, il est question de 6 pieds sous terre. Sortir les pieds devant ou la tête la première. La tête la première. Est-ce que faire le mal c'est bien quand on craint pour sa vie ou celle des siens? L'avenir est loin, la vie nous épargne rien, parle bien. Est-ce que faire le mal c'est bien quand on craint pour sa vie ou celle des siens? L'avenir est loin, la vie nous épargne rien, parle bien. Bien équipé, à tes côtés, tes bons équipiers. Le coffre est chargé, le plan bien monté. Une paire de gants, une cagoule pour ne pas te montrer. Le 44, une paire de couilles, prêt pour affronter le danger. Pourtant, t'avais promis à ta femme de te ranger. Manque de fric, dérangé. À quel point tu ne te mets plus à penser? Tu viens de réaliser que tes rêves sont durs à réaliser. Mais y'a pas le choix, faut bien manger. Ou dans ce monde, on est tous des étrangers. Tu t'es toujours mis ça dans ta tête. Maintenant, tu repenses au passé. Les images des films t'es dépassé. Une vie qui pourrait devenir un film, t'es en danger. De la BAC au GIGN, t'es traqué. Tous les jours, tu comptes t'en tirer. Depuis ta première balle, tirer. Mais avec la merde que tu as à tirer. Attaché à elle, comme si elle t'aime. Tu voudrais faire dévaliser. Trop de banques dévalisées. Inconnu depuis ce soir-là. Ta destinée, tu devras affronter. Bien équipé avec tes associés. Des cas sociaux armés de canonciers. C'est l'heure d'y aller. Marre de cette vie à 200. À deux sens où la violence et l'arrogance se mêlent aux compétences. Victime de as depuis l'enfance, la mort n'est qu'une évidence car toutes les vies dansent. Voilà ma confidence. Est-ce que faire le mal c'est bien quand on craint pour sa vie ou celle des siens? L'avenir est loin, la vie nous épargne rien, parle bien. Est-ce que faire le mal c'est bien quand on craint pour sa vie ou celle des siens? L'avenir est loin, la vie nous épargne rien, parle bien. Le